Voici, à 1h10 environ, de larges extraits des aventures prodigieuses de Tartarin de Tarascon, roman publié en 1872 par Alphonse Daudet, qui écrit en outre en exergue. En France, tout le monde est un peu de Tarascon.